opção para representar o país em Bruxelas. A escolha da doutora Elisa Ferreira é uma boa escolha, como podia ser uma boa escolha muitas outras personalidades portuguesas. Tem know-how suficiente, conhecimento suficiente para desempenhar bem o lugar. Naturalmente que desempenhará melhor o lugar consoante a pasta que lhe for dada, mas ela tem conhecimentos em diversas pastas, tem no ambiente, tem na economia, tem no desenvolvimento regional, para aquilo que é o perfil dela. Esperemos que lhe seja atribuída uma pasta importante para Portugal e que ela tenha arte, saber e sorte no desempenho da função. Rui Rio, esta manhã no Porto, a reagir com agrado à mudança de Elisa Ferreira para Bruxelas, para integrar o próximo Executivo Comunitário. Já o eurodeputado socialista Carlos Zorrinho adianta que esta foi uma escolha da nova Presidente da Comissão Europeia. Zorrinho diz à Antena 1 que António Costa propôs dois nomes a Ursula von der Leyen, Pedro Marques e Elisa Ferreira, e que a escolha final coube à alma. Portugal indicou para comissário europeu duas personalidades, Pedro Marques e Elisa Ferreira, com um elevadíssimo perfil político e com um elevadíssimo perfil técnico. Presidente da Comissão Europeia optou por Elisa Ferreira. Fica garantido, em primeiro lugar, a grande qualidade da representação de Portugal nesse órgão. Explicação de Carlos Zorrinho sobre o processo de escolha de Elisa Ferreira, contactado pela Antena 1, o gabinete do Primeiro-Ministro, garante que esta foi uma decisão consensual entre António Costa e Ursula von der Leyen. O eurodeputado Carlos Zorrinho deixa também muitos elogios à ainda vice-governadora do Banco de Portugal e espera que seja atribuída uma pasta de assuntos económicos a Elisa Ferreira. A expectativa que temos, até pelo perfil, quer de Pedro Marques, quer de Elisa Ferreira, e agora de Elisa Ferreira, uma vez que as indicações são que foi ela a escolhida, é de termos uma pasta no domínio do desenvolvimento ou da economia, aquilo que permita que a Europa tenha um novo impulso e que faça face àquilo que todos nós estamos a ser confrontados atualmente, que é com uma União Europeia a travar do ponto de vista económico e a ter muita dificuldade em resistir às crises comerciais, que muitas delas são provocadas externamente ao seu território. Expectativa do socialista Carlos Zorrinho. Elisa Ferreira vai ser Carlos Moedas na Comissão Europeia. O comissário reagiu hoje com agrado a esta decisão. Ouvido pela agência Lusa, diz-se muito contente por passar o testemunho a alguém que descreve como uma europeísta convicta, respeitada em Bruxelas, à esquerda e à direita. Moedas afirma também que Elisa Ferreira foi sempre uma mulher de criação de pontes e consensos. Falta ainda saber qual a pasta que a portuguesa vai ocupar no próximo executivo em Bruxelas. Rui Rio defende uma redução do número de deputados na Assembleia da República em função dos votos em branco nas eleições. É uma das medidas apresentadas hoje pelo líder do PSD para reformar o sistema político. O objetivo, Nuno Amaral, passa por reduzir a abstenção e aproximar os eleitores do processo democrático. Rui Rio considera imperioso que o país encontre uma nova forma de eleger deputados. O atual sistema vem de 75, por isso sugere que os atuais círculos eleitorais sejam reconfigurados. E essa reconfiguração obriga necessariamente a que os círculos eleitorais sejam mais pequenos. Não pode haver círculos eleitorais, como por exemplo o círculo eleitoral de Lisboa ou o círculo eleitoral do Porto, onde por exemplo no Porto se elegem 40 deputados e depois ninguém conhece os deputados. Conhecem-se dois ou três deputados e não se conhecem os deputados. O líder do PSD quer também limitar o número de mandatos dos deputados, como acontece com os cargos de Presidente da República e Presidente de Câmara. E nunca foi feito, porquê? Porque a Assembleia da República tem de legislar sobre si própria e, na prática, os deputados não querem impor a si próprios essa limitação. Adiante, havia de falar em três mandatos como limite, mas mais longos, já que Rio quer também uniformizar os mandatos legislativos e autárquicos com os de Presidente da República e Parlamento Europeu, passando de 4 para 5 anos. A pouco mais de um mês das eleições, Rio resgata outra ideia, a redução do número de deputados, ou através de uma alteração à Constituição, ou como já expôs o líder do PSD, valorizando o voto em branco. Ou seja, as pessoas que não se revêem em nenhum partido votam em branco, em vez de deixarem de lá ir. Participam, só que participam com aquilo que é mais saudável politicamente e democraticamente, que é o voto em branco. E assim, acredita Rio, reduz-se também a abstenção. O presidente do PSD quer também impor regras de rigor e transparência no funcionamento dos partidos políticos e limitar o número de mandatos para a função de vereador. Rui Rio, na sede do PSD no Porto, com essa proposta de uma espécie de murro na mesa do sistema político em Portugal. Na próxima semana, o presidente social-democrata promete fazer propostas para reformas na área da justiça. 9 pessoas foram detidas esta manhã no Porto durante uma operação de combate ao tráfico de droga. A PSP também apreendeu várias armas, assim como uma grande quantidade de estupefacientes nos bairros sociais de Pinheiro Torres, Pasteleira Nova, Pasteleira Velha e Lordelo do Ouro. Foram realizadas dezenas de buscas domiciliárias conduzidas por mais de 150 agentes da polícia. O subintendente Rui Mendes deu conta em conferência de imprensa da droga apreendida nesta operação. Poderei dizer que são quantidades substanciais relativamente ao fenómeno que nós assistimos nos locais onde realizamos as buscas domiciliárias e, portanto, abrangem toda a tipologia de estupefaciente e poderemos afirmar cocaína, a heroína, a liamba, o haxixe e outro tipo de estupefacientes que neste momento estão a ser sujeitos às necessárias perícias e aos necessários testes de despistagem e pesagens para termos dados mais concretos relativamente a estupefaciente apreendido. PSP mantém em curso esta operação que visa vários bairros sociais no Porto. Portugal continua acima da média europeia no que respeita a acidentes rodoviários. 2018 foi um ano negro nas estradas do país, com um aumento de 12% no número de mortos. Foram mais 73 as vítimas mortais. O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Rui Ribeiro, confirma à Antena 1 que os acidentes tiveram uma maior gravidade do que no ano anterior. Houve, de facto, um aumento de vítimas mortais na estrada em 2018. Na realidade, quase todos os indicadores de 2018 foram positivos. Houve menos acidentes, houve menos feridos graves, houve menos acidentes com vítimas mortais ou feridos graves. De facto, foi um aumento de 12,1% nas vítimas mortais. Quer dizer, provavelmente em 2018 os acidentes graves foram realmente muito mais graves do que nos anos anteriores. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária acredita que este ano será possível inverter este aumento do número de vítimas mortais nas estradas do país. É já na próxima semana que a Feira do Livro do Porto regressa aos Jardins do Palácio de Cristal. A edição deste ano presta homenagem ao professor e filósofo Eduardo Lourenço. Mais do que um hino à literatura, a Feira do Livro pretende ser, Cláudia Aguiar Rodrigues, um convite ao pensamento. Pensar o tempo em que vivemos, como se fossem os caminhos do Jardim do Palácio de Cristal, ou seja, o foco da programação deste ano aponta o pensamento como ferramenta essencial para o mundo perceber qual é a direção a seguir. Por isso, Eduardo Lourenço, ensaísta e filósofo, vai ser o grande homenageado deste ano. Os grandes temas vão dar ao clima e ao ambiente, à Venezuela, ao Brasil e também à Europa, que se vão encontrar no Porto em diferentes debates com nomes como Viriato, Sormaio Marques, Poiares Maduro e Boaventura Sousa Santos. São apenas exemplos numa edição que tem menos expositores do que as anteriores. Rui Moreira fez as contas do que a Feira do Livro vai oferecer este ano. No que diz respeito a expositores e participantes, a Feira do Livro considerou 87 inscrições para a edição deste ano, que correspondem a um total de 130 pavilhões. A dimensão que queremos preservar anualmente, sob pena de estragarmos o espaço. E com isso integramos 10 livrarias, 46 editoras, 21 alfarrabistas, 5 distribuidoras e algumas presenças de instituições que desenvolvem projetos de edição. Outros nomes vão também ser celebrados, são eles Sofia de Melbreiner e Jorge Sena, amigos e mestres na escrita. Ciclos de cinema, com a Europa como pano de fundo, e a poesia contemporânea vão servir de mapa para contornar, através das palavras, os jardins do Palácio de Cristal. São quase 90 expositores nesta Feira Literária do Porto, que começa de sexta-feira a 8 dias. Dos livros para o cinema, está prestes a chegar ao grande ecrã a história de Zack, um jovem com trissomia 21 que decide fugir e partir à aventura. Maybe we could be friends and buddies, road dogs and chill. Have a good time. Rule number one, don't slow me down. Rule number two, I'm in charge. Hey, what's rule number one? Party? No, not party. O filme chama-se O Falcão de Manteiga de Amendoim, tem estreia marcada para esta quinta-feira. Logo à noite realiza-se uma estreia solidária no cinema do Belora Shopping, em Sintra. Os bilhetes revertem para a Quinta Essência, uma associação que apoia pessoas com deficiência cognitiva. Ouvida pela jornalista Ana Isabel Costa, Vanessa Chang diz que este filme mostra um desafio de superação do protagonista e que a ficção é um espelho da realidade. Trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual, que também elas respondem diariamente a desafios, que são os desafios que se vão colocar ao Zac ao longo do filme, e que mostram também a sua perseverança, o seu comprometimento com tentar alcançar algo. Portanto, é algo que nós na instituição vemos diariamente as pessoas com as quais trabalhamos fazerem. Portanto, no fundo acaba por ser também aqui uma aventura de vida, tal e qual como a história do Zac, uma aventura de vida em que eles percorrem um caminho e continuam a tentar alcançar objetivos com foco em algo. Portanto, há a semelhança daquilo que se passa aqui diariamente. O filme pode ajudar a quebrar alguns preconceitos ainda existentes relativamente a pessoas portadoras de deficiência intelectual? Com certeza. O filme vai abordar, portanto, a personagem do Zac, que será a personagem principal, um ser humano com afetos, com vontades, com desejos, com capacidade de fazer coisas, de alcançar objetivos, e eu penso que vai dar, portanto, oportunidade às pessoas de verem a pessoa com deficiência de uma forma diferente, como ela realmente é, com as suas capacidades, medos, à semelhança de qualquer outro de nós. Falcão de Manteiga de Amendoim é um filme protagonizado por um ator com trissomia 21, uma obra para inspirar e esclarecer o mundo sobre as deficiências cognitivas. A estreia solidária está marcada Bonjour para a noite. Bonjour à vous tous, à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Acontece esta quinta-feira nos cinemas nacionais. Exatamente. Então, vamos começar. Bonjour, Damien. Bonjour. On va commencer par une petite sortie, un vide-grenier très grand et géant. Dimanche 1er septembre, de 7h à 18h, place du Noix. National. Portugal, aqui tão perto. Votos renovados então de muito boa tarde, obrigada por estar aí desse lado a fazer-nos companhia. Hoje é terça-feira, é verdade, para muitos que nos estão a ouvir, o mês de agosto é o mês preferido de todos aqueles que um dia tiveram que deixar Portugal e regressam ao país. E esta é a última semana, eu sei, está a ser difícil, não é? Bom, mas deixe lá, para o ano há mais e passa depressa o tempo. Ora, quanto ao tempo, é verdade, fica a saber que vamos dar uma vistinha de olhos. Ora bem, então, Paris para amanhã vai ter uma máxima de 30 graus, Londres 22, Nova Iorque 27, São Paulo 24, Panjim 29 de máxima amanhã e Sydney máxima para amanhã de 20 graus. A música, aí está ela, com o Fernando Daniel e tal como sou. Se o mundo cair, eu deixo o meu por ti. Prometo dar ouvidos aos teus medos e vou guardar memórias e segredos. Aceita-me tal como tal como eu sou. Eu não peço mais, mesmo que tu vejo no aqui. E pecadores, não voltarei a ser fiel. Emissão de terça-feira. Eu sou a Salma Andrade e espero que fique aí desse lado comigo até às 2 da tarde. Agora é a vez de David Carreira e depois vamos ficar com 2008. É tarde de verão e tu aqui colada a mim. Ficamos em serão, eu vou cantando só para ti. Nem todas as histórias de amor têm de ter um fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem para mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim. É tarde de verão e eu grudada a você. Segura minha mão até ao entardecer. Nem todas as histórias de amor têm de ter um fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem pra mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, eu não quero mais ninguém. Eu só te quero a ti aqui pra me fazeres feliz. Quem procura a vida toda sem conseguir encontrar um amor assim. E assim você sabe que eu cuido de ti e tu cuidas de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz, eu sou tão feliz. E tu cuidas de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz, eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que o mar. Bonjour à vous tous sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour. Bonjour Damien. Alors, ça va? Un peu de décourbature, mais ça va. Tout va bien? Oui. Bon, on va parler de sortie aujourd'hui. Est-ce que tu nous as prévu une petite sortie, Damien? Oui, bah je cherche. Voilà. Alors, samedi... non, c'est pas ça. Alors, je cherche, mais je trouve pas. Vas-y, fais une sortie, je cherche en attendant. Je t'entends pas. Fais une sortie en attendant, je cherche. Oui. Alors? Vas-y, fais une sortie. Oui, je vas-y, mon petit Damien. Non, mais toi, je cherche pour l'instant. Oui. Alors, après? Attends.

sabia. O galia le libia. O galia antania. C'était Khaled. Voilà. Bonjour, Damien. Comment vas-tu, Damien ? Bien ? Alors, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu nous proposes encore comme sortie, mon grand ? Ouais. Et c'est donc, c'est sur Orléans, c'est ça ? D'accord. Ok, merci. Et t'as autre chose ou pas? Eh bien, c'est bien tout ça. Donc, on peut énormément de se promener, visiter et puis tout. Voilà. Bah, merci, Damien. Et donc, on va repasser avec une nouvelle musique. Allons-y pour vous tous. Et écoutez de la bonne musique sur Radio Arc-en-Ciel. Te souviens-tu un soir? Un baiser sur la bouche. Gravé dans nos mémoires. Qui a changé l'histoire? On avait peur de tout avant même qu'on se touche, jusqu'à fuir les regards. Un défaut de savoir. Oh. Te souviens-tu du pire? Des larmes sur la joue. Sans pouvoir retenir ce qu'on a vu partir. L'injustice, le dégoût, l'impuissance entre nous. Que remplace un sourire quand on sent seul une victoire. Vivre d'un peu de foi, d'un pas vers l'autre. C'est la seule voie qui s'aime là. Qui est la nôtre. C'est la seule voie qui s'aime là. cauchemar. Oh, et si tournait la roue? Et si c'était à son tour d'être mis à l'écart, de craindre le hasard? L'absence d'un avenir, les espoirs qui chavirent. Bien sûr, on s'est battu. Bien sûr, on continue, mais à vous de nous suivre. C'était super, c'était magnifique. J'adore cette chanson là aussi. Donc voilà. Donc moi je vais vous dire un petit météo, la météo pour ce week-end, mes grands. Et oui, donc ce week-end, attention, mettez quand même encore des petits shorts et puis tout ça, parce que il va faire très très chaud ce week-end et attention aux orages aussi qui vont être prévus. Donc moi je vous annonce ce week-end, allez, entre 28 et 31 degrés pour samedi, et pour dimanche attention aux orages qui vont arriver pour les débuts et la fin du mois de août. Voilà, donc on va refaire une petite chanson donc magnifique avec certainement Black M. Donc pour vous tous. Mis ojos son mi ventana, mi corazón abierto, mi voz que te llama, amigo mío, apúrate. Con los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa, amigo, al mundo le das tu sabor. La sangre gitana, me muevo con el viento, mi voz que te llama. Amigo, apúrate, con tu sonrisa y tu fe. Abre tus ojos oscuros, con una sonrisa se quiebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol.

c'était Soprano. Soprano avec Black M. Donc, voilà. Donc, on va demander à Damien s'il a d'autres sorties. Oui, j'ai d'autres sorties. T'as d'autres sorties, Damien ? Oui. Bon, bah, allons-y. C'est et bon. T'en as... T'as quoi d'autre ? J'ai quoi d'autre ? Alors, BMX, de 14h30 à 18h30, qui est du Châtelet, face à la place de la Loire. Eh ben, c'est super tout ça. C'est magnifique. Donc, on va écouter encore quelques musiques. Alors, on va écouter avec Alonso. À tout de suite à tous les auditeurs. C'est quand on casse tout. vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire les mots qu'on reçoit. C'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire. Voilà, c'était Francis Cabrel. Donc, on va passer à Lanzo. T'es d'accord, Damien ? Ouais. Hein ? Oui, oui. Ok, c'est parti. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. Je ne sais quoi que l'autre n'a pas, qui nous met dans un drôle d'état. Mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a. Et oui, c'était France Gall. Allons-y pour eux. Alors, pour les sorties, encore, n'oubliez pas, on a une grande sortie prochainement. Hein, le 1er septembre, de 7h à 18h, si vous voulez faire des affaires, regarder un petit peu partout, eh ben, vous pouvez fouiller. Mais fouiller dans la grande brocante qui se trouve place Dunois à Orléans. Voilà. Donc ceux-là qui veulent aussi participer ou vendre des affaires aussi, vous pouvez vous contacter l'éco bocal Saint-Place Gambetta sur Orléans, la Grange aux Fleurs, 8 rue du Faubourg Bannier. Le numéro de téléphone, c'est le 02 38 24 57 81. 02 38 24 57 81. Pour réserver vos places, n'oubliez pas, c'est de 7h à 18h pour la plus grande vide grenier géant sur Orléans le dimanche 1er septembre. Voilà. Donc on va partir encore avec une nouvelle chanson, Damien. Voilà. Donc comme ça, tout le monde est content. Lélise, Florent qui nous écoute, Florent Amigo, un petit bonjour à petit Florent. Donc voilà. Et ben voilà, on va passer la belle musique pour vous tous. Alors c'est Carole Gianni. Tête qui tourne pas. On a mis le feu dans l'atmosphère. Et sur la piste au milieu des étoiles, on a dégainé notre sabre laser. Avant de partir dans l'espace sidéral, sidéral. Bousier de cafard, peux-tu éteindre la lumière? Peut-être que dans le noir on pourrait y voir plus clair. Bouger le cafard, peux-tu éteindre la lumière? Peut-être que dans le noir on pourrait y voir plus clair. Chanson poétique avec Anto. Cafard. Mon cœur bat comme un tambour et la machine peine à laver. Le linge sale de mes amours s'entasse sur mon canapé. Où c'est qu'on a garé la DeLorean? Et ce vieux doc a bu bien trop d'hydromel. Le passé dans le futur, moi, je suis pas trop fan. Toc toc, qui va là et comment ça s'appelle? Toc toc, qui va là et comment ça s'appelle? Bouger le cafard, peux-tu éteindre la lumière? Peut-être que dans le noir on pourrait y voir plus clair. Bouger le cafard, peux-tu éteindre la lumière? Peut-être que dans le noir on pourrait y voir plus clair. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. J'ai le cerveau retourné, pouvez-vous le remettre à l'endroit? J'ai la tête à l'envers, où c'est ma tête qui tourne pas. On a mis le feu dans l'atmosphère. Sur la piste on mit nos étoiles. On a dégainé notre sabre laser. Avant de partir dans l'espace sidéral. Avant de partir dans l'espace sidéral. Avant avant de partir dans l'espace sidéral. Avant de partir dans l'espace sidéral. Avant de partir dans l'espace sidéral. J'ai le cafard, peux-tu éteindre la lumière? Peut-être que dans le noir on pourrait y voir plus clair. J'ai le cafard, peux-tu éteindre la lumière? Peut-être que dans le noir on pourrait y voir plus clair. À l'incertitude de l'avenir, à la folie des souvenirs, à la lueur d'un sourire qui illumine nos fous rires, à nos actes les plus sincères, à nos appels et nos prières, à nos choix plus que difficiles, mais qui ne sont pas impossibles, à la vie, à l'amour, à l'amitié et à tous ceux qui nous feront de passer. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille, le soleil brille, le soleil brille pour tout le monde. Allô les îles assouvies, aux aléas de la vie, à tous les coups de sort qui nous rendent de plus en plus forts. À nos bonheurs si précieux, à toutes les mains tendues vers la lumière ou l'inconnu, à la vie, à l'amour, à l'amitié et à tous ceux qui nous feront de passer. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille, le soleil brille, le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille, le soleil brille, le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille, le soleil brille, le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille, brille, voilà. Eh oui, on a toujours du soleil qui brille énormément sur Radio Arc-en-Ciel. Et ça va, Damien, c'est toujours là? Eh ben, c'est impeccable, Damien. Donc, alors, est-ce que tu as une autre sortie pour nous? Une autre sortie? Oui, les sorties, oui.

Et oui, c'était Génose. Voilà, et puis la suite, la prochaine, Géraldine. Nous mettre au placard, car pour eux, nous sommes les nouveaux barbares. La révolte se fera sur des rifts binaires, car le rap est un gun qui pousse un cri de guerre. Le monde court tout droit vers le chaos, si l'on enferme le rap au fond de son ghetto. Fais gaffe, mais à ta bande son, les technocrates en ont pris possession. Ton attitude efface tes habitudes. Qui nous sépare, c'est toi ou moi, il n'est pas trop tard. Mon sang, crois-moi, n'est pas celui qui tue, qui fait peur, qui te plante au coin de la rue. Il est comme le tien, il coule sur les murs, quand la haine est la réponse à notre futur. Aujourd'hui, la question est posée, que peux-tu me dire sans me l'imposer? Back to the track, toujours aussi relax. Check this. On va continuer avec Grégoire. Je n'ai plus vraiment peur, je n'ai plus vraiment froid, car aucune douleur n'est plus forte que toi. Et j'ai beau me redire que tout ça passe, j'ai beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber bien trop loin de tes bras. Et pour me relever, je n'espère que toi. Car ça fait si longtemps que ton silence voit. Alors si tu m'entends, d'où tu es, dis-le-moi. J'espère une minute, ou même une dispute, en souvenir de nous. J'implorerai tous tes mots. J'aurais dû t'avouer bien avant ton départ à quel point tu comptais, et on apprend trop tard qu'il faut tout se donner sans jamais réfléchir, ne jamais calculer, ne jamais prévenir, et toujours profiter du

bonjour à vous tous sur la radio Arc-en-Ciel encore une fois. On est avec Fantaisie. Poésie. Voilà. Poésie. Et Damien, toujours. Ok, bon. Allô, Damien ? Ouais, ouais. Donc voilà, on va préciser, donc on va parler un petit peu de l'artiste, Poésie, voilà. Donc Poésie qui est ici, c'est une petite guitariste qui est débutante, voilà, et qui est d'Orléans. Donc une petite nouvelle d'Orléans, c'est bien, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Et puis elle va nous parler de d'elle, qu'est-ce qu'elle fait sur Orléans, ses projets et puis tout. Donc pour l'instant, on va se mettre une petite pause et puis on va prendre avec Poésie. Hein, avec plaisir. Très bien. C'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35

c'était un Lanzenro. Donc voilà, bonjour à vous tous, bonjour. Poésie, bonjour. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui tu viens d'Orléans, exactement, tu es artiste? Oui. Artiste de rue, artiste de. Alors récemment, je suis effectivement artiste de rue. J'ai été intermittente du spectacle il y a 20 ans en tant que chanteuse. Et plus récemment, donc artiste de rue, apprentie guitariste et toujours chanteuse. Ouais. Voilà. Et t'as beaucoup de projets ou tu as une annonce à passer directement s'il y a du monde qui t'entend. T'as énormément de monde à la radio. Voilà, bienvenue quand même aussi. Merci. Hein. Merci beaucoup. Je suis très heureux de t'avoir connu là. Ah. Et puis Damien aussi, hein, Damien. Oui. Voilà. Bon, j'ai un problème de son. Je vous entends pas trop, mais je vous entends quand même un petit peu. Voilà. Mais alors, explique-nous ta vie, tes projets, tes sensations de la musique et puis exactement. D'accord. Mais en fait, donc je me suis installée à Orléans il y a un an à peu près. Je travaille en tant qu'intérimaire, donc je fais différentes missions. Et il se trouve que cet hiver, j'ai été en arrêt de travail et que je voulais occuper mon temps. Luisa Ferreira para integrar chez moi, a próxima Comissão Europeia, o líder do PS e elogiou o percurso da vice-governadora do Banco de Portugal. Luisa Ferreira sucede a Carlos Moedas, que se diz muito contente por passar o testemunho a alguém que descreve como uma europeísta convicta. E o mettre en pratique assez rapidement. Donc, j'ai joué une fois dans la rue et un patron de restaurant m'a invité à venir. Contre un repas et la possibilité de passer mon chapeau sur la terrasse. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois dans la rue de Bourgogne, à Orléans. Et puis là, je vais dans la rue quasiment tous les jours, rue de la République, rue de Bourgogne, un petit peu de ci, de là, quand il y a du monde, pour jouer mes morceaux, qui ne sont pas encore nombreux, mais j'essaye d'en apprendre assez régulièrement. Et voilà, ça se passe bien, j'ai un bon. Falta ainda saber qual a pasta que Elisa Ferreira vai ocupar no próximo executivo comunitário. Na altura de ter coragem para reformar o sistema político português, considera Rui Rio, o líder do PSD, propõe uma redução no número de deputados na Assembleia da República em função dos votos em branco nas eleições. Uma das medidas apresentadas hoje pelo líder dos sociais-democratas, o objetivo Nuno Amaral passa por reduzir a abstenção e aproximar os eleitores. Rui Rio considera imperioso que o país encontre uma nova forma de eleger deputados. O atual sistema vem de 75, por isso sugere que os atuais círculos eleitorais sejam reconfigurados. E essa reconfiguração obriga necessariamente a que os círculos eleitorais sejam mais pequenos. Não pode haver círculos eleitorais, como por exemplo o círculo eleitoral de Lisboa ou o círculo eleitoral do Porto. Onde, por exemplo, no Porto se elege 40 deputados. Bom truc, um bom programa, em tout cas. O líder do PSD quer também limitar o número de mandatos dos deputados, como acontece com os cargos de Presidente da República e Presidente de Câmara. E nunca foi feito porquê? Porque a Assembleia da República tem de legislar sobre si própria e, na prática, os deputados não querem impor a si próprios essa limitação. Adianta havia de falar em três mandatos como limite, mas mais longos, já que Rio quer também uniformizar os mandatos legislativos e autárquicos com os de Presidente da República e do Parlamento Europeu. Passando de 4 para 5 anos. Há pouco mais de um mês das eleições, Rio resgata outra ideia, a redução do número de deputados, ou através de uma alteração à Constituição, ou como já propôs o líder do PSD, valorizando o voto em branco. De manhã tenho uma pequena questão a poser. Votam em branco, em vez de deixarem lá ir. Participam. Só participam com aquilo que é mais saudável politicamente. On peut avoir une petite apprise de guitare, exactement, emmener ta petite guitare. Voilà. Est-ce qu'on peut entendre une petite chanson éventuellement? C'est possible. Eh bien, on t'écoute. C'est la même chose. é mexer com os interesses instalados. O projeto das aldeias do Xisto é um bom exemplo de como se pode preservar a floresta, considera António Costa. O primeiro-ministro percorreu esta manhã um trilho pela Serra da Lousã, acompanhado pela ministra da Saúde. No final, de sua boca, como nos conta a reportagem do Joaquim Reis. Nas serranias de Góis, as aldeias do Xisto, Aigra Velha e Aigra Nova, estão separadas por 2 quilómetros de picada de montanha. Um trilho feito pelo secretário-geral do PS, António Costa, na companhia da ministra da Saúde, Marta... Ok. Marche. Una mattina. C'est bon. Sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina sono svegliato. E non ho trovato l'invasor. Una mattina sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina sono svegliato. Non ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Mi sei un muio di partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi sei un muio di partigiano. Che mi sento di morire. Mi sei veira la sui montana. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi sei veira la sui montana. Sotto l'ombra di un bel fiore. Gente che passerà. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà oh che bel fiore. E la gente che passerà. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà. Eh ben, c'est magnifique ça! Tout est magnifique, bravo, bravo, bravo pour cette belle prestation. Merci pour l'indulgence, c'est vrai que pour la première, c'est pas très facile. Alors, je voudrais savoir aussi comment on peut te contacter s'il y a du monde, par les bars, les restaurants, qui veulent venir te proposer quelque chose. Alors, bon, j'ai déjà dit que j'étais un petit peu marginale, et puis je pense que je vais peut-être commencer à l'être un peu moins. Donc je vais ouvrir une page Facebook au nom de Poésie Posaï, puisque c'est le nom complet. Donc Poésie, ça s'écrit avec un Y, et Posaï avec un Y aussi. Et je vais ouvrir ma page Facebook. D'accord. Voilà. Et puis, est-ce que tu as éventuellement un numéro de téléphone où on peut te contacter? Oui, je peux le donner ici. Oui, allez-y. Eh bien, alors je le donne. Alors mon numéro de téléphone, c'est le 07 77 78 96 07. Et ben voilà. Donc si vous avez bien, si vous voulez avoir une petite chanteuse agréable, souriante et dynamique, et ben vous appelez Poésie. Volontiers. Elle sera là pour vous, pour améliorer vos soirées dans les bars, dans les restaurants ou dans les concerts éventuellement. Oui. Partout dans toute l'Europe s'il faut. Hein, même vous pouvez vous déplacer. Donc. Je peux me déplacer. S'il y a des gens qui veulent collaborer, je suis ouverte aussi à toute proposition. Eh ben voilà, moi ça me fait énormément plaisir pour la radio Arc-en-Ciel. Merci. Et ben un petit bonjour à Florent Amigo aussi qui est là, qui nous écoute, Lélise qui est une chanteuse aussi, à Nico ben, qui est pas là exactement, il a un petit congé, et puis ben, à Damien, il y a Sébastien et à tous les bien sûr au Portugal, à tous les Portugais qui sont en vacances et à tous les animateurs et animatrices de la radio Arc-en-Ciel qui sont encore en vacances, qui vont revenir pour la rentrée, pour tout ça. Moi je... Fantaisie, c'est ça? Poésie. Poésie, excuse-moi. Poésie, bah, je te remercie énormément c'est de venir à la radio Arc-en-Ciel. Oui, et Allez, encore un... Est-ce que tu nous donnes encore une petite chanson? Ah, volontiers, avec un grand plaisir. Je vais chanter une chanson de Vanessa Paradis. Allons-y. On t'écoute énormément. Alors. Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les fissures, fermer les serrures, comment voler les cerfs-volants. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là, là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là les mystères, le silence sous la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. En pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si on prenait le temps là. Il y a là là là, si l'on prenait le temps là. Eh ben c'est magnifique, c'est très très beau. Eh oui, prenez le temps, prenez le temps. C'est une très belle chanson. Voilà. Eh ben en remerciant. Oui, merci. Et voilà. J'ai Florent qui me dit un grand merci pour le petit bonjour. Ben nous aussi, on t'adore Florent. Et puis ben merci à toi d'être à la radio. Et puis moi je voudrais encore, je suis tellement gourmand. Oui. Et puis certainement Damien aussi, il est très très gourmand aussi, parce que t'as une super belle voix. Elle est spécialement cassée aujourd'hui là. Oui, voilà. Mais sinon t'es une super belle voix, même si elle est un peu enrouée, ceci cela. Allez. Avec le temps hein, d'abord on n'a pas le choix, mais t'as une super belle voix, donc merci. Donc moi je suis tellement gourmand, j'en voudrais bien une autre. Ah, et tous les auditeurs certainement aussi. Eh bien, italien, français, on va passer à de l'anglais alors. On va passer à de l'anglais avec Lady Gaga. Oui, pourquoi pas. Allons-y. Alors. I wanna hold them like they do in Texas Place. Fold them, let them hate me, raise it, baby, stay with me. Love game intuition, play the code we play to start. And after he's been hurt, to play the one that's on my heart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I get him hot, share him with a cat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I get him hot, share him with a cat. She has got me like nobody. Can't read my, no, he can read on my poker face. She has got me like nobody. Pa pa pa poker. poker face, papa poker face, mama mama, papa poker face, papa poker face, mama mama, oh oh oh oh oh oh, I get him hot, yeah, him out of gas, oh oh oh oh oh oh oh, I get him hot, yeah, him out of gas. Like nobody, pa pa pa poker face, pa pa poker face, ma ma ma ma, pa pa pa poker face, pa pa poker face, ma ma ma, oh oh oh oh oh oh, I get him hot, show him what I've got, oh oh oh oh oh oh oh oh oh, I get him hot, show him what I've got. Poker face, ma ma ma ma, pa pa pa poker face, pa pa poker face, ma ma ma ma, pa pa pa poker face, pa pa poker face, ma ma ma ma, pa pa pa poker face, pa pa poker face, ma ma ma ma. Eh ben voilà, merci énormément, Fantasy. Je suis en nage. Il fait chaud chez vous, il fait bon. Mais c'est tellement magnifique. Eh ben, on va se reprendre après. On va écouter une autre musique, oui, mais différente que la tienne, hein. Mais c'est de la bonne musique sur Arc-en-Ciel, j'ai confiance. Voilà, tout à fait. Eh ben, tout à l'heure. Morena, Voilà, donc on est de retour et moi je voudrais faire une dédicace à Poésie. Voilà, ça c'est pour toi Poésie, juste après de Lady Gaga. We'll be right back. Et voilà, voilà, voilà, c'était pour Poésie. Merci beaucoup pour cette dédicace spéciale. De rien. Eh ben, moi, je voudrais bien une autre chanson aussi. C'est pour Damien, qui est là aussi. Je lui fais une petite dédicace pour toi, Damien. C'est quoi ? Écoute ça, c'est pour toi. Kenji. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines. Mais ce mon cœur des mille étoiles, elle est ma quête, elle est mon grain. Oh mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me remène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, pour ne pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. C'était magnifique. Les yeux de la mama de Kenji Girac pour Damien. Voilà, je pense qu'il a quelques larmes aux yeux. Et puis, Poésie aussi, elle a des frissons au bras. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait à la radio? Bon, moi je voudrais, Damien, est-ce que tu as une petite sortie pour nous? Attends, faut se remettre des esprits, là. Faut se remettre des esprits, attends. Il est encore sous le coup de l'émotion, Damien. Hein? Je suis encore sous le coup de l'émotion. Ah. Allez, tu nous donnes une petite sortie, puis après, ben, on va terminer l'émission bientôt, parce que bon, il est 36, hein, non, même pas, il est 16h34 exactement. Ouais. Voilà, donc on finit l'émission un petit peu avant 17h, comme ça on est tranquille, on va faire quelques photos pour respirer un petit peu et puis dire bonsoir à tous les auditeurs après. Donc moi je voudrais une petite sortie de Damien ou une petite recette, je sais pas, qu'est-ce que tu nous as prévu? Une sortie. Une sortie? Ah bah allons-y pour une sortie. Allez. Alors parade de véhicules. 14h30 à 14h30. Départ du Champ de Mars avec arrivée sur la promenade du quai du Châtelet. D'accord. Et c'est sur Orléans, c'est pas Orléans, bah c'est oui, à Bordeaux. C'est sur Orléans, le quai du Châtelet, c'est Orléans. D'accord. Et donc t'as pas de petite recette pour moi? Bah je sais pas faire la cuisine, je risque pas. Ah tu sais pas faire la cuisine. Oh, c'est une catastrophe ça. Hein. Bon, ben c'est pas grave. Ben moi, je vais vous donner une petite recette de moi. Voilà. Ce sera pas une. Ce coup-ci, ce sera pas. On verra ça vendredi. Une recette marocaine pour vendredi, je vous propose. Mais là, c'est une recette de grand-mère. Et puis de moi aussi, parce que j'ai rajouté quelques trucs dans la recette. Donc, c'est le gâteau au vin blanc. Voilà. Donc, pour le gâteau au vin blanc, il faut 3 verres de farine. Voilà, 1,5 verre de sucre en poudre, 1 sachet de levure, 3 œufs, 1 verre d'huile, 1 sachet de levure chimique. Vous mélangez le tout bien jusqu'à temps qu'avoir une pâte très moelleuse. Et bien sûr, vous rajoutez après un verre de vin blanc. Voilà. Et après, si vous voulez du pain d'alcool, vous pouvez mettre 1 verre de lait, ou plutôt 1 verre de fraise, ou 1 verre de chocolat, ou 1 verre de la vanille. Ce que vous voulez au niveau parfum, ce sera toujours la même pâte. Voilà. Vous les mettez au four entre 45 minutes. Oui, Damien ? Un verre de coca. Comment ? Un verre de coca. Oui, tu peux mettre 1 verre de Coca-Cola si tu veux. Il n'y a pas de problème, mais ce ne sera pas le même goût. Hein. Donc, je vous donne quelques verres parce que moi, je les ai utilisés pour cette recette-là. Et donc, vous mettez entre 35 minutes et 45 minutes au four. Donc, vous préchauffez vos fours à 200 degrés. Après, vous le déminez à 180 degrés. Thermostat 7. Voilà. C'est noté. Voilà, c'est la recette de Mamie Fernande. Eh ben, vous avez tous les jours, c'était comme ça, hein. Donc, on va vous proposer d'autres façons. La prochaine fois, je vous présente les madeleines de Mamie Fernande. Comment faire des madeleines pour vendredi prochain. Voilà. Donc voilà, donc bon, moi je vous laisse avec d'autres petites chansons. On va remettre une belle petite chanson aussi de Lady Gaga. Voilà, c'est pour vous tous, pour tous les auditeurs et les auditrices. Je vous aime tellement sur Radio Arc-en-Ciel, c'est une vie superbe. around your barrel, my ass bra. Sommes de retour sur Radio Arc-en-Ciel, la belle vie. Ouais. Voilà. Donc avec Poésie. Oui, c'est ça. Voilà, Damien. Ouais. Voilà. Et ben nous, ben on va. Il est 16h44 minutes exactement, ce que j'ai en face de moi. Voilà. Donc moi je vous explique. Nous sommes à la fin du mois, ça y est, bientôt la rentrée scolaire. Et bientôt la moi, paye. Je vous dis, faites attention sur la route, c'est classé rouge, énormément. Attention aux accidents, attention, l'abus d'alcool est dangereux au volant. Faites attention et rentrez bien sur Orléans et faites attention surtout à la route. Hein. Hein, parce que c'est quand là-bas. Même la vie est tellement bizarre que moi je dis attention. Et puis ben on va je vais vous remettre ça. Samedi, je vous annonce entre 28 et 30 degrés. Hein, et puis le reste, et ben dimanche, on verra bien. Je vous souhaite tous une bonne journée et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.